premier chapitre, le bourdonnement. Obtenir le bourdonnement avec les lèvres, c'est la première étape. Et c'est aussi la base de la pratique. Pour faire vibrer, bourdonner les lèvres, il faut tout d'abord les relâcher. Ensuite, vous prenez une profonde inspiration par le nez et vous expirez, soufflez, tout doucement, tout en ramenant vos lèvres ensemble. Rappelez-vous qu'il est important d'expirer doucement et d'avoir les lèvres toujours relâchées. Pour obtenir le bourdonnement du didgeridoo, base de toute la pratique, il vous suffit de refaire l'exercice précédent en posant simplement vos lèvres sur l'embouchure. Pour obtenir un bourdonnement clair, deux points sont importants. Tout d'abord, il vous faut jouer avec les joues légèrement creusées. Ensuite, il est nécessaire que le petit trou bourdonnant obtenu avec les lèvres soit le plus petit possible. A. Ceci est le son que vous entendrez avec des lèvres relâchées. B. Ceci est le son que vous obtiendrez avec de la pratique et des lèvres serrées. C. Enfin, voici le son de trompette que vous pourrez entendre avec des lèvres trop serrées. En pratiquant régulièrement, vous finirez par trouver la tension correcte de vos lèvres. En faisant un mouvement des lèvres ressemblant à un sourire, vous allez obtenir un bourdonnement aigu. En relâchant la tension des lèvres, le bourdonnement sera plus grave. En passant d'un état à l'autre, rapidement ou lentement, vous obtiendrez comme une ondulation du bourdonnement. En prononçant les voyelles A, E, I, O, U dans leur prononciation anglaise, soit A, E, I, O, U, et ceci dans votre didgeridoo, vous allez changer considérablement la tonalité du bourdonnement. Cette prononciation se fait sans la voix, votre bouche faisant juste le mouvement de prononciation de la voyelle. Nous pourrions dire que vos lèvres font le mouvement de la voyelle avec la voix muette. Rappelez-vous, utilisez toujours vos joues creusées pour obtenir un son clair. Les joues peuvent être utilisées comme un sac d'air. En expulsant rapidement cet air, nous obtenons un effet inhabituel sur le bourdonnement. Profitez du bourdonnement de base pour remplir au maximum vos joues d'air, puis expulsez-le brutalement dans le didgeridoo en creusant les joues. Maintenant, vous allez essayer de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir dans ce chapitre.